Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. J'entiens la France avec vous et accompagnée de ma co-animatrice Myriam Leland. Bonjour Myriam. Bonjour Gentiane. Donc ce soir à l'émission, on a une petite programmation spéciale avec deux chroniqueuses comparées à une, comme d'habitude. Donc on a d'abord Myriam Dufour avec qui tu t'es entretenue, Gentiane, qui te parlait de l'exposition des finissants en art visuel du Cégep de Lévis. Qui est présenté au centre, qui est présenté en fait sur le web, mais par le centre Regard. Pas besoin d'expliquer le contexte qui fait en sorte que c'est diffusé sur le web. Puis, notre deuxième chronique, c'est moi-même qui s'est entretenue avec Delphine Engesbar à propos de l'exposition de Frédéric Laliberté à la Galerie des arts visuels, ou devrais-je dire la Piscine des arts visuels. C'est en lien avec le sujet de cette exposition qu'on peut voir de l'extérieur de la galerie. Donc, même si elle est fermée, on peut avoir accès à ces œuvres-là de Frédéric Laliberté. Et c'est toi, Gentiane, ce soir encore, qui s'est amusée à nous trouver une sélection musicale. Oui, j'ai découvert l'album Nurture de Porter Robinson, qui est sorti le 23 avril dernier. Donc, c'est le deuxième album studio pour Robinson. Ça faisait déjà 7 ans qu'il n'avait pas sorti d'album depuis son premier. L'artiste a confessé à ses fans de souffrir d'une dépression qui a bloqué sa créativité au cours des dernières années. Et puis, bon, enfin, ça va mieux. Et puis, il a réussi à travailler sur ce deuxième album qui devait sortir l'année dernière. Et puis, l'année dernière, il a fait un marketing très, très mystérieux qui entourait le lancement de l'album. Donc, il avait publié une courte vidéo qui comportait un lien vers Google Maps, vers un lieu obscur avec des dates. Donc, une espèce de campagne, paraît-il, typique pour Porter Robinson qui s'amuse à mystifier ses fans avec des messages intrigants, truffés d'indices encore plus intrigants. Donc, l'album devait sortir en décembre dernier, puis c'est finalement en avril qu'il est sorti. Pas besoin d'expliquer le contexte, comme tu dis, Myriam Leland. Donc, c'est un album donc de musique électronique, mais qui est très, très hétérogène. Donc, on a des bouts très contemplatifs, des bouts beaucoup plus expérimentaux. Donc, on va commencer par une pièce qui s'intitule « Wind Temples ». Et puis, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je parle de plus contemplatif avec un extrait de cette pièce-là. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatial, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland à l'animation et je suis accompagnée de Delphine Eguesbord. Bonsoir Delphine! Bonsoir Myriam! Donc Delphine, tu avais envie de nous parler de l'exposition de Frédéric Laliberté qui est présentée, qui est visible de la rue, mais dans la Galerie des arts visuels, renommée pour l'occasion la piscine des arts visuels. Oui, donc, tout à fait! Pour reprendre ton super jeu de mots que tu as fait hors d'onde, plongeons maintenant dans le sujet. Qu'est-ce que c'est cette exposition-là de Frédéric Laliberté? Oui, il faut dire d'abord que j'ai un peu hésité au moment d'aborder le sujet de cette exposition-là en date d'aujourd'hui, parce que c'est une exposition qui est présentée du 29 avril au 23 mai 2021. Honnêtement, je souhaite aux gens de pouvoir la visiter à l'intérieur aussi des murs de la galerie. Pour le moment, le projet est visible à travers la vitrine, la porte et tout ça, ce qui nous place dans une posture assez particulière aussi pour voir ce projet-là, ce qui n'est pas inintéressante, mais néanmoins, je nous souhaite, au moment d'enregistrer cette chronique, on ne sait pas encore si des allègements sont à espérer dans les prochains jours, alors je souhaite vraiment aux gens de pouvoir la visiter à l'intérieur, intramuros, là, de la Galerie des arts visuels. Et donc, cette exposition, la piscine des arts visuels, présente une simulation non essentielle. Ça s'inscrit dans la programmation des 50 ans de l'École d'art, qui a connu une interruption là, quand même au cours de l'année, mais on se rappelle qu'il y a eu Serge Murphy au mois de septembre pour les années 70, Annie Baillargeon qui représentait les années 2000 et Frédéric Laliberté les années 2010, là, ayant gradué en 2011. Du bac en art plastique là, à ce moment-là à l'Université Laval. C'est une installation in situ qui se joue un peu de l'architecture de la galerie. On y retrouve le ton de Frédéric Laliberté où elle travaille avec parfois un peu l'absurde, un projet un peu fictif. Une prémisse un peu douteuse au départ, mais qui est abordée d'une manière résolument sérieuse. Je pense qu'on peut le dire de cette manière-là. C'est vraiment typique de sa pratique. Ça, c'est elle-même, elle qualifie sa pratique, je crois, de irrévérencieuse, mais... perspicace. Exactement, merci, oui. Delphine. C'est ça, sérieux un peu cette exposition-là, puis c'est vraiment typique de son travail où en fait on imagine la Galerie des arts visuels comme le lieu parfait pour accueillir une piscine publique, puis que ce soit même surprenant en fait que ce ne soit pas déjà une piscine publique. Puis en fait, dans la présentation de l'exposition, ça dit « Ah bon, à l'origine, est-ce que vous saviez que le projet c'était de creuser le plancher 4 pieds plus profond, de telle sorte qu'on serait descendu à la galerie pour y entrer? » Mais les responsables du chantier n'ont pas voulu faire ça. N'empêche que c'est un espace qui ressemble vraiment en tout point à une piscine publique, puis c'est surprenant, en fait, ça fait aucun doute qu'un jour, elle va devenir une piscine publique quand la galerie va déménager. Fait qu'on part de cette prémisse-là, qu'on n'est pas certain si c'est sérieux ou non, et on bâtit là-dessus, en fait, tout le projet de réflexion puis de mise en œuvre de la piscine publique. Et l'installation, en fait, c'est une sorte de maquette à échelle humaine, d'une piscine et de tout ce qui l'accompagne un petit peu comme objet, comme attirail autour. Mais on est vraiment dans une mise en scène ou dans quelque chose d'un peu bricolé, finalement, autour de ça. Puis, en fait, il y a à la fois ce qui se déploie à l'intérieur de la galerie, donc cette maquette avec la piscine, des objets placés un peu autour, et on a ce qui est visible, très, très visible dans la vitrine, où on a tout un ensemble de dessins qui sont comme des esquisses de ce projet de piscine à l'intérieur de la Galerie des arts visuels, avec même plein de petits matériaux qui agissent un peu comme des échantillons, des matières qui vont se retrouver qu'on pourrait retrouver autour d'une piscine. Il y a un morceau de frites de piscine décolorée par le soleil, qui a été coupée, réutilisée, retravaillée dans différentes formes. On a des petits morceaux aussi de cette corde de plastique qu'on retrouve qui tient les bouées attachées les unes aux autres. Fait qu'on a un peu tout cet éventail-là d'objets, des matières qu'on pourrait dire assez pauvres, okay. D'une certaine manière. Assez utilitaires. Oui, puis des petites maquettes simplissimes là, qui miment la piscine. Donc, une petite feuille colorée en bleu avec une petite pellicule plastique qui crée l'effet de reflet à la surface de l'eau avec des petits morceaux de carton, des petits carrés de carton qui recréent des arrangements de tuiles autour de ça. Fait qu'on est ici dans un espèce de plan, un déploiement de ce projet-là qui est étudié sous différents angles, qu'on vient comme présenter vraiment dans son atmosphère finalement, mais avec quelque chose qui est hyper accessible, qui est un peu bricolé avec des matières justement, papier, carton, petites pellicules plastiques, petits éléments peints de cette manière-là, puis qui ne se prennent pas pour autre chose que ce qu'ils sont, là, finalement. Là. Mm-hmm. Ça s'assume comme quelque chose qui est un peu fabriqué vraiment très, très facilement. Mais donc, c'est assez intéressant de se retrouver dans ce projet-là, un peu dans cette fiction-là de projet, mais qui est déployé de manière très engagée, finalement, dans la galerie. C'est intéressant d'avoir cette mise en place-là dans la vitrine parce que déjà, au courant des derniers mois, là, la Galerie des arts visuels avait choisi d'occuper cet espace-là d'une manière un peu plus marquée pour oui. Vraiment s'intéresser là, à la visibilité des œuvres dans un contexte où on était dans des aléas d'ouverture et fermeture là, difficiles à anticiper. Fait qu'on avait vu des projets de Frédéric Hamelin, d'Isabelle Lapierre déjà. Fait que là, vraiment, on est dans la continuité un peu de cette occupation-là d'un espace qui donne sur la rue avec ce qui est disponible en vitrine. Puis, finalement, est-ce qu'on sait si c'est vrai ou non, cette piscine-là, cette histoire de piscine-là, qu'au départ, c'était supposé être la piscine de la fabrique ou... C'est absolument pas vrai, là. C'est complètement fictif. En fait, je pense que le projet de la piscine est vraiment du cru de Frédéric Laliberté d'imaginer cet espace-là comme une piscine, définitivement. Mais c'est vrai que ça a l'air d'une piscine de motel. En fait, mais tu sais, c'est parce que la galerie a vraiment... Même, ne serait-ce que le plancher de la galerie a quelque ouais. Chose de très particulier. C'est des tuiles... réfléchissent beaucoup la lumière. Puis même, j'oserais dire, les colonnes aussi qui habitent là, l'espace de la galerie. Moi, je me souviens de photographies de Lynn Cohen qui présente des photographies de piscines publiques, justement. Puis d'avoir, il y a comme certaines similitudes architecturales là, dans ces espaces-là, bien que là, c'est porté, je pense, dans des dimensions vraiment plus grandes là, par Frédéric Laliberté, puis c'est même assez surprenant. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que cette idée-là d'avoir, qu'au départ, l'architecture de la galerie était censée être différente, est-ce que le plancher était vraiment censé être plus bas? Ça, c'est la prémisse, on dirait, ou je sais pas, est-ce que cet élément-là, on peut s'y raccrocher? Puis il y a vraiment cette atmosphère-là de confusion, en fait, je trouve, quand on regarde le projet. Et je dirais même que moi, je l'ai même ressenti, cette confusion-là, quand j'ai observé le projet depuis la rue, parce que nécessairement, j'étais maintenue à distance là, de mm-hmm. l'espace de l'exposition. Puis j'ai douté, à un certain moment, est-ce que le projet est bien terminé d'être installé? Parce qu'il y a certains objets de la galerie qui ont été utilisés par Frédéric Laliberté dans son installation. Ah. Fait qu'il y a un escabeau, entre autres, qui est placé près de la maquette de la piscine, qui fait l'effet un peu d'une chaise de sauveteur ou d'un tremplin, justement, qui semble être suggéré un peu par un dessin qui est placé à proximité. Il y a aussi... puis en fait, c'est vraiment cet élément-là qui m'a fait douter au départ quand je l'ai aperçu, c'est qu'il y a un seau de serpillière qui est placé, puis qui est probablement le seau de la galerie. Je pense que c'est même écrit sur le seau. tu sais, les seaux jaunes. Puis juste à côté, On a l'impression qu'il y a un dégât d'eau sur le sol parce que c'est un peu plus foncé à cet endroit-là, mais c'est très subtil. Puis, on a un panneau qui nous dit « Attention, plancher mouillé », mais ce panneau-là, il est dessiné par Frédéric Laliberté. Puis, c'est comme une espèce de reproduction croquis, qui imite ce panneau-là, qui accompagne normalement un peu la tiraille pour aller essuyer un dégât d'eau. Puis en fait, c'est ça au sol, c'est juste les lignes qui entre les tuiles de carrelage qui sont légèrement plus foncées, qui nous donnent l'impression que ça aurait été humide à cet endroit-là. Puis moi, quand j'ai aperçu ça, je me suis dit « Ah, mais le montage n'est pas terminé! » Puis après ça, en voyant les autres objets autour qui, eux, étaient fabriqués, mis en relation avec ces objets-là, ça montrait en fait que ces objets-là étaient un peu récupérés, détournés pour être placés à l'intérieur de l'exposition. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'après avoir fait un peu ce cheminement-là, un peu confus, mais qui finit par comprendre avec ces différents éléments-là, éléments de mise en scène qui étaient placés en relation, je suis tombée sur une note de Frédéric Laliberté qui parle en fait de son intérêt ou de sa réflexion qu'elle mène sur le phénomène d'accumulation, puis l'idée de se servir de ce qui existe déjà, puis que finalement, elle utilise parfois des stratégies pour ne rien produire, mais tout en créant quelque chose. En disant que cette idée-là de transfiguration était très importante dans sa démarche, puis je me suis dit, ah, mais c'est ça! C'est certaines de ces stratégies-là qu'on retrouve dans ce contexte-là où, sans produire de nouveaux objets, on est capable de créer des situations au cœur de cette installation-là, in situ. Oui, et puis c'était justement fondamentalement in situ que pas seulement de créer dans l'espace, mais de créer avec l'espace aussi, puis avec les éléments qui se trouvent déjà dans cet espace-là, puis de créer justement cette confusion-là dont tu parles de est-ce que c'est terminé, est-ce que ça appartient à l'œuvre, est-ce que ça appartient à l'espace de diffusion? C'est en effet très, très intéressant. Oui, puis c'est ça, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on se met à s'amuser aussi avec tous ces éléments-là qui sont mis en scène. Puis juste pour rebondir un peu sur cette idée d'in situ, il y a même un travail qui a été fait avec le logo de la Galerie des arts visuels qui a été déjoué un peu pour remplacer galerie par piscine des arts visuels. Fait qu'il y a vraiment cette manière-là de s'inscrire dans quelque chose de sérieux, dans une structure qui existe pour en faire un peu éclater les possibilités, puis déjouer, être toujours entre le vrai et le faux. Je pense qu'il y a ça l'idée, je me souviens, Lisanne, il me semble, employait l'idée de la fiction puis de la supercherie pour parler un peu de ce projet-là dans l'exposition. Puis je trouve que c'est assez juste, là, on est toujours un peu entre quelque chose qui se joue d'une chose qui est réelle, puis comment est-ce qu'on peut suggérer aussi autre chose, puis c'est un peu usé de tromperie ou en tout cas être toujours dans cette espèce de entre cette de part et d'autre là, tu sais, d'une fine ligne entre ce qui est vrai puis ce qui est faux. Fait que vraiment là, j'espère que les gens auront l'occasion de la visiter même au cœur de l'exposition pour aller chercher toutes les subtilités là dans ces jeux-là qui sont proposés par Frédéric Laliberté dans un projet qui est un peu absurde, très sérieux, un peu désinvolte, puis en même temps très engagé. Irrévérencieux, mais perspicace. Tout à fait, puis je sais qu'il y a des détails que j'ai cru apercevoir, mais que j'ai pas pu voir en détail, comme peut-être des traces au sol qui rappellent les chiffres qu'on retrouve en bordure des piscines, des fois qui indiquent des distances ou des profondeurs. Fait que je sais qu'il y a plein de petits détails là, vraiment à aller débusquer dans l'exposition. Donc, je rappelle, la piscine des arts visuels présente une simulation d'un essentiel de Frédéric Laliberté. Ça se poursuit jusqu'au 23 mai 2021 à la Galerie des arts visuels. Alors, allez-y en grand nombre. Mais merci beaucoup, Delphine Guesbard, pour cette merveilleuse chronique. C'est quand même rassurant, si je peux dire ça comme ça, de voir qu'il y a autant de choses à explorer, à réfléchir dans une exposition qu'on ne peut voir que de la rue pour l'instant. Mais je vais dire comme toi, on se souhaite vraiment que les lieux de diffusion réouvrent bientôt et qu'on puisse aller faire partie de cette œuvre-là qui occupe la piscine des arts visuels en ce moment. Donc nous, on se laisse pour une pause audio avec la piste Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Et une pause publicitaire après ça. Et de l'autre côté de ces pauses, on retrouve Gentiane Lafrance et Myriam Dufour qui nous parlent de l'exposition des finissants en arts visuels du Cégep de Lévis, présentée sur le web par le Centre Regard. De retour à l'aérospatiale de Gentiane Lafrance avec vous et j'ai avec moi notre chroniqueuse Myriam Dufour. Bonjour Myriam. Bonjour Gentiane. Myriam, il y a une exposition qui est tombée sur ton radar, c'est l'exposition Miroir, sombre tendresse. C'est une exposition qui est organisée par les étudiants finissants et finissantes du Cégep de Lévis-Lauzon au Centre d'artistes Regards à Lévis. Donc, à chaque année, là, c'est une collaboration que le centre entretient avec le cégep à chaque année. Là, cette année, la situation est particulière. Le centre est retombé en confinement, donc ne pouvait pas ouvrir les portes de sa galerie au grand public. Mais ils ont tout de même accueilli les étudiants pour monter l'exposition, et les étudiants ont travaillé très fort avec l'équipe des enseignants pour présenter une version virtuelle de cette exposition-là qu'on peut consulter sur le web. Et comment est-ce que tu as trouvé cette plateforme numérique qui a été développée par les étudiants pour présenter leur exposition « Miroir, sombre tendresse » ? Cette plateforme numérique-là m'a vraiment impressionnée. Pour être franche, là, je trouve que c'est extrêmement bien fait. C'est dynamique. Il y a des vidéos qui montrent. Il y a une vidéo qui a été ajoutée là, récemment, je pense, là, que c'est. On voit le processus de montage des étudiants dans la salle. Il y a une vidéo qui montre l'exposition. La caméra se déplace à travers la salle d'exposition, donc on peut voir chaque œuvre, où elles sont situées. Puis on peut même les mettre en relation un peu comme si on était là réellement. Il y a également des descriptions et des explications sonores qui accompagnent les œuvres. Donc, en tant que spectateur, ça nous permet vraiment d'être guidés, de connaître les artistes, de comprendre leur démarche. Donc, oui, vraiment, là, l'application est vraiment très, très bien faite, là. Puis Oui, il y a quelque chose de l'audio-guide un peu, là, si on veut. Oui, c'est ça, on regarde l'œuvre et puis on se fait raconter un peu la démarche de chacun, chacune des artistes qui sont présentes dans l'exposition. Là. Exactement. Puis, c'est ça, il y a 11 artistes qui sont présentés dans l'exposition. Puis, les explications sonores permettent de comprendre. Je trouve que les textes qui ont été écrits sont extrêmement bons aussi. On comprend très bien les démarches artistiques. Puis le lien aussi, là, juste pour dire, le lien pour aller sur la plateforme est disponible sur le site du Centre Regard. On y a accès via le site. Sur Facebook aussi, il y a un événement qu'on peut y accéder, là. Oui, donc c'est donc une plateforme numérique qui s'appelle génial.ly, oui, qui est un mode de présentation sensiblement assez simple, mais qui nous permet d'avoir une bonne idée de l'exposition. Puis cette vidéo, c'est intéressant parce qu'on est vraiment une vidéo qui est tournée à main levée, on entend les bruits ambiants, donc on a presque l'impression d'y être, là. C'est fait comme si on était présent. Oui. C'est vraiment bien fait. Puis l'exposition en tant que telle, son titre « Miroir, sombre, tendresse », c'est assez poétique comme titre. Moi, ça m'a marqué quand j'ai vu ça. Mais je trouve que ce titre-là décrit extrêmement bien ce qu'on voit dans l'exposition. « Miroir », c'est à aborder comme l'idée d'un reflet, le reflet de chacun des étudiants qui ont été amenés à réfléchir sur eux-mêmes, sur les sujets qui les touchent particulièrement, leur vie personnelle, leurs émotions. Donc, on a accès un peu à cette vulnérabilité des étudiants. Puis, sombre tendresse, c'est aussi le fait que c'est des sujets extrêmement humains, mais c'est extrêmement beau, même si pour la majorité, c'est des sujets parfois tristes, sombres, justement. Les émotions, même les drames psychologiques, mais c'est vraiment une exposition touchante, je trouve. Puis, comme on disait, la plateforme numérique permet quand même ça nous permet de ressentir les émotions que les étudiants ont voulu transmettre, même si c'est à travers l'écran. Fait que c'est ça que ça m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment aimé ça. Ben, oui, c'est l'introspection est vraiment dominante dans les pratiques des étudiants. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas non plus passer à côté de la situation actuelle qui nous amène à vivre des émotions, à vivre des chamboulements psychologiques, à vivre la solitude, à avoir à traverser des épreuves. Puis on le sent bien. Puis c'est intéressant parce que il y a des étudiants qui cherchaient plus à amener des éléments de réconfort et d'autres qui allaient explorer les côtés plus sombres justement de ce qu'ils ont vécu au courant de leur année, là. Oui, exact. Puis c'est ça aussi que j'ai retenu de l'exposition, c'est que même si certains étudiants abordent des sujets qui peuvent paraître lourds et tristes, il y a tout le temps une facette d'espoir. Il y a tout le temps l'idée de la renaissance ou de la régénération, le fait qu'il va y avoir que de l'espoir malgré tout. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça bien. Je pense notamment au travail de Nadège Pinet, qui, elle, voulait matérialiser justement les situations bouleversantes, les situations émouvantes de son passé, puis amener le spectateur aussi à prendre conscience de son passé, mais de l'accepter également. Donc, il y a la première étape de, oui, prendre conscience d'un événement dramatique, mais ensuite l'accepter, l'intégrer, puis en sortir quelque chose de beau au final. Donc, un message d'espoir quand même. Puis, ben, tu sais, je peux pas parler de tous les artistes là, qui sont présentés, mais il y a également, par exemple, Nathaniel Lacasse, avec son installation numéro 1, qui va traiter de la défaite. Donc, le sujet, c'est vraiment central dans son œuvre, c'est la défaite. C'est un sujet qui va devoir se remettre d'une défaite. Puis, ben, j'ai trouvé ça pertinent parce qu'il veut dévoiler que malgré le fait qu'il peut y avoir une victoire, la défaite va toujours revenir par après. Puis encore une fois, qu'il faut l'intégrer, puis l'accepter, cette défaite-là, puis que c'est juste le mot défaite paraît extrêmement négatif, mais au final, ça peut amener des expériences qui sont extrêmement enrichissantes au final. Donc, puis c'est aussi, il voulait montrer veut rendre la beauté dans ces périodes difficiles-là. Donc vraiment, je trouve que chaque artiste montre des événements tristes, dramatiques, mais réussissent à en sortir un message d'espoir. Et c'est très bien pour ça, là. Oui, parce que derrière chaque réussite, il y a une multitude d'échecs. Hein? Oui, exact. Faut pas l'oublier. C'est mm-hmm. On ne voit souvent que l'envers qu'un côté de la médaille, mais l'envers de la médaille existe. Ouais. Et puis, donc, c'est des réflexions qui sont quand même assez approfondies là, qu'on retrouve dans cette exposition des finissants, des finissantes du cégep de Lévis-Lauzon. Oui, vraiment. Puis aussi pour... il y a une diversité de matériaux aussi, de façons d'aborder, d'exprimer leurs émotions. On voit de la peinture, de la sculpture, photographie, même une animation vidéo. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir cette diversité-là. C'est comme si on rencontrait un étudiant après l'autre. Tu sais, la plateforme permet ça aussi. On peut passer d'une œuvre à l'autre, d'un étudiant à l'autre. Puis ça nous plonge dans leur univers. Puis il y a des œuvres que j'ai trouvées esthétiquement très belles aussi. Là. Je pense encore une fois à Nadège Pinet, trois illustrations. Je pense que ce sont des illustrations numériques. Extrêmement belles. Là. Ça m'a marqué encore une fois. Puis c'est encore cette idée-là de la dualité. Esthétiquement, c'est très beau, très harmonieux, mais elle peut traiter des sujets tristes et parfois cyniques. Donc, cette dualité-là est très intéressante. Puis, on la ressent aussi entre les sujets et les matériaux utilisés, les illustrations, les sujets, en fait, utilisés. Ouais. Oui, il y a quelque chose de cette dualité-là dans Miroir. Miroir, c'est qui provient du titre, donc qui n'est pas seulement qu'une introspection ou une réflexion sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est aussi cette dualité-là. Il y a soi, il y a le reflet de soi, puis il y a comme toute une réflexion qui est amenée par ce concept de miroir-là qui fait partie du thème de l'exposition. Oui, exactement. Puis on la ressent dans toutes les œuvres. Il y a une œuvre en particulier d'Anne-Frédérique Beaulieu qui s'intitule « Votre reflet est-il un cauchemar ou un rêve? » Puis ça fait directement lien à la thématique justement du miroir, du reflet. Encore une fois, elle va vouloir montrer l'idée de l'imperfection, des irrégularités, puis le fait qu'il faut accepter ces imperfections-là qu'on voit une personne devant le miroir qui va voir ses imperfections, finalement, il faut les accepter. C'est vraiment intéressant. Puis cette idée du miroir-là, on la ressent dans toutes les œuvres puis de façon différente, dans la dualité matérielle, sujet, la dualité entre aussi chaque artiste. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme exposition. Mais merci beaucoup, Myriam Dufour, de nous offrir cette appréciation de l'exposition Miroir sombre tendresse qui nous fait découvrir la relève artistique de Lévis, les finissants et les finissantes du programme d'art du Cégep de Lévis qui présente sur une plateforme numérique. Donc, vous pouvez y avoir accès sur le site Internet de Regards ou sur le Facebook de Regards pour pouvoir découvrir cette exposition confinée qui est présentée jusqu'au 9 mai. Toujours à l'écoute de l'aérospatiale, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland, toujours au micro, et Gentilhomme La France qui m'accompagne. C'est déjà le moment de l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, ça fait du bien. Il y a beaucoup d'événements en ligne, bien sûr, mais il y en a quand même quelques-uns à commencer par le colloque « L'art en résidence, expérience et effet » qui est organisé par le Centre Artenceau, qui va se dérouler en deux temps. Donc, il y a une première partie dont l'inscription est payante qui va se dérouler jeudi le 6 mai. Donc demain, de 9h à 12h30, c'est dans le cadre du 88e congrès de l'ACFAS. Donc comme je disais, l'inscription est payante pour cette première partie-là. Toutefois, la deuxième partie qui se déroule le 7 mai, donc vendredi, en matinée également, celle-ci est gratuite et ouverte à tous sur inscription. Donc, rendez-vous sur le site web d'Artenceau dans la section colloque pour avoir un programme détaillé et le détail pour s'inscrire également. Et vendredi, il va y avoir une discussion autour du film Apparaître avec Francine Saillant et une de nos anciennes chroniqueuses, Fanny Non-Lévy. Donc, c'est à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale que le journaliste Alain Crevier va s'entretenir avec les réalisatrices du film Apparaître à propos des liens entre la création artistique et la santé mentale. Donc, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site web du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est vendredi de 19h à 20h30. Mardi, le 11 mai à 13h, il y a la sortie de résidence de Philippe Tremblay, donc résidence qui se déroulait à l'œil de poisson. C'est un événement en ligne, bien sûr. Donc, dans le cadre de sa résidence en recherche-création qui se termine le 7 mai, Philippe Tremblay a exploré les dérives potentielles de la surface. Il s'est inspiré de l'action des fourmis et des petits rongeurs. Donc, dans cette ligne-là, Philippe Tremblay, appelons-le par son nom complet, veut gruger, percer, déchirer, creuser les choses et le sens populaire qui leur est accordé. Ces gestes destructeurs commis sur des objets communs deviennent pour lui une manière de révéler, de réfléchir les dessous des images subsidiaires qui composent le quotidien. Donc, comme je disais, c'est mardi le 11 mai à 13h en ligne. Et le lendemain, mercredi, à partir de 13h également, il va y avoir une conférence intitulée « Médiation culturelle et antiracisme ». C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est un événement également qui est accessible en langage des signes québécois. L'inscription est obligatoire, par contre, et c'est l'Observatoire des médiations culturelles qui nous invite à échanger autour de ces questions pour ce webinaire du cycle « Dialogue culturel ». Engagement. Donc, c'est très intéressant de se plonger dans ces réflexions-là, l'époque actuelle avec les enjeux actuels. Donc, médiation culturelle et antiracisme, mercredi prochain à 13h. C'est non seulement intéressant, mais c'est essentiel aussi, étant donné, surtout à Québec, dans le milieu des arts visuels, qui est composé principalement de personnes privilégiées, blanches pour la plupart. Il y a des personnes non blanches, mais il y en a beaucoup des personnes blanches qui ont la responsabilité de s'informer sur l'antiracisme et de créer des espaces beaucoup plus inclusifs qu'ils le sont déjà. Donc, un autre événement, dans une conférence en deux parties, Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec et spécialiste de l'histoire de la photographie, va nous partager ses plus récentes découvertes sur les femmes photographes du Québec, tout en présentant le travail de leurs consœurs contemporaines à l'international. Donc, c'est un événement justement du MNBAC, inscription obligatoire, donc il y a un prix membre et un prix non-membre. C'est une conférence en deux parties, comme je le mentionnais. Donc, la première partie se déroulera mercredi le 12 mai à 19h, qui porte sur du daguerréotype aux années 1920. Puis la deuxième partie, qui se déroulera le 26 mai à 19h, porte sur les années 1930 à 1960. Et tous les détails d'inscription et d'achat de billets sont sur le site web du MNBAC. Et c'est la dernière semaine pour aller voir les marionnettes qui sont exposées dans les vitrines de Folie Culture, donc au 880 rue du Roi, dans le quartier Saint-Roch. On a jusqu'au 10 mai pour aller découvrir le résultat de ces ateliers qui ont été donnés par Folie Culture à différentes participantes et participants. Je les voisine tous les jours et puis on en a pour tous les goûts, on en a de toutes sortes. Et puis c'est bien amusant de pouvoir découvrir les résultats de ces pratiques chez Folliculture. C'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir une expo Folliculture. Exactement. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, hier soir à l'émission Première Loge, Pamela s'est entretenue avec Anne-Marie Cardin, qui est l'artiste qui a donné ces ateliers-là. Donc, Anne-Marie qui s'exprime très bien aussi et qui est très passionnée par son métier de marionnettiste et d'artiste. Donc, c'est très intéressant de l'entendre discuter de ces ateliers-là. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.crl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et bien sûr sur Instagram. Un grand, grand merci à nos chroniqueuses cette semaine, Myriam Dufour et Delphine Eggesbar. Un salut spécial à notre Henri Matisse de la mise en onde cette semaine, Jacques Gignac, qu'on salue à la maison et qu'on a très hâte de retrouver en studio. On se laisse avec deux dernières pistes de l'album Nurture de Porter Robinson, donc les pistes Unfold et Trying to Feel Alive. Et on se dit à la semaine prochaine, Myriam Leland. À la semaine prochaine, Gentiane La France. Watch your eyes go. Wish you will close the I'm not going to be able to do that.